Chapitre 19e. Imbrie contre Aubert, la petite troupe se divisa par groupes, chacun se dirigeant vers la ville où il espérait trouver des moyens de transport rapides. Sur les conseils du maire, Julien, Mélanie et leurs serviteurs partirent dans la direction de Nanteuil, tête de ligne des chemins de fer de l'Est, depuis que les Français avaient fait sauter le tunnel de Meaux. Les Prussiens, étant maîtres de la ligne, en faisaient régulièrement le service pour l'Allemagne et la Suisse. La ligne de Lyon les eût exposés à de bien plus sérieux inconvénients. Il y avait 5 lieues de Brie à Nanteuil. Les voyageurs étaient condamnés à faire le trajet à pied, par un froid rigoureux, sur des routes détrempées, défoncées, à peine praticables, et ce qui était plus terrible encore pour Julien, au milieu d'un pays ruiné où l'invasion s'étalait hideuse. Dès le premier jour, Julien ressentit les atteintes d'un mal qui allait mettre de nouveau sa vie en danger. Après 1 heure de marche, il fut obligé de s'arrêter tant il avait au cœur une douleur aiguë. En même temps, une toux sèche se déclara. Afin de ne pas effrayer Mélanie, il réagit contre la souffrance et parvint à fournir son étape jusqu'à Tournan. Là, pas même une auberge ouverte, encore moins de voiture que l'on put acheter. Tout avait été réquisitionné comme abri. Le maire mit à sa disposition une maison bourgeoise abandonnée et lui conseilla d'y passer la nuit. La pluie, une pluie glacée, était survenue. Mélanie fit allumer un grand feu. Joseph se procura au poids de l'or quelques provisions. Julien parvint à se réchauffer et passa relativement une bonne nuit, bien qu'il eût été obligé de dormir sur un tas de paille, ayant exigé que Mélanie prît le seul lit resté dressé et à peu près en état. Mélanie avait résolu de ne pas continuer ce voyage dans ces conditions déplorables. Elle alla trouver le maire et le supplia de lui venir en aide. Ému par la courageuse jeune fille, le maire consentit à une démarche d'autant plus pénible pour lui qu'il n'espérait pas réussir. Les Prussiens avaient établi au château de Tournan un bureau de poste. Accompagné de Mélanie, le maire se rendit auprès du directeur et lui demanda la faveur de laisser monter les voyageurs dans les voitures jusqu'à Nanteuil. Le directeur ne s'y refusa pas, et 2 heures plus tard, Julien, Mélanie, Joseph et Miette prenaient place au milieu des colis. Malheureusement, les voitures de poste étaient des fourgons ouverts et il pleuvait à torrents. Les voyageurs arrivèrent à Nanteuil, mouillés jusqu'aux os. Bien qu'ils eussent pu acheter du linge et des vêtements de rechange, la pluie les avait pénétrés. Mélanie, Miette et Joseph en furent quittes pour un rhume. Julien, plus faible, plus délicat, plus sensible, plus affecté moralement, fut rejeté dans la maladie. La toux augmenta plus sifflante, le cœur se prit davantage, un crachement de sang vint enfin compliquer son état. À tout prix, il fallait sortir de la zone de l'invasion. Les Prussiens, méthodiques en toutes choses, avaient pris et réglé l'exploitation des chemins de fer de l'Est. Par la ligne de Strasbourg, ils correspondaient activement avec l'Allemagne, recevant leurs approvisionnements de guerre et leurs troupes fraîches, expédiant leurs correspondances, renvoyant les blessés. C'était la ligne la plus occupée. Ils avaient maintenu plusieurs trains sur les lignes de Suisse et même sur celles de France. Mélanie crut prudent de passer en Suisse. Là, du moins, il n'aurait plus sous les yeux les douloureux spectacles qui tuaient Julien. Pour les Français qui ne sont ni commerçants ni touristes, la Suisse, c'est Genève. À Genève seulement, Julien respira librement et se crut à l'abri de la persécution morale. Mais il s'aperçut bientôt qu'il devait fuir encore. Genève ressemblait à un Koblenz bonapartiste. Un grand nombre de personnages officiels de l'Empire s'y étaient réfugiés et formaient déjà des projets de contre-révolution. Dès que l'arrivée de M. de Mulset fut connue, des émissaires furent députés auprès de lui qui s'efforcèrent de l'embrigader. Julien fut indigné de cette propagande antipatriotique. Trop faible pour réagir utilement, trop malade pour supporter des assauts, il résolut de fuir. Où aller ? Entreprendre son expédition d'Aix était impossible. Il l'eût accomplie dans de pitoyables conditions, avec la certitude d'un échec. Les médecins lui conseillaient de passer l'hiver dans une ville aimée du soleil, à Nice ou à Cannes. Fort bien, seulement ses amis d'autrefois lui disaient que l'extrême midi de la France était en proie à une désorganisation complète, les uns rêvant de retour à l'Italie, les autres d'une république fédérative. L'exagération était grande et ce sombre tableau poussé au noir. Tout compte fait, Julien s'arrêta au projet de chercher un refuge dans un des sites reculés de la région d'Hiver. Mais alors, il reconnut l'inconvénient des énormes lacunes que présente le réseau des chemins de fer dans les Alpes françaises. Pour aller de Genève ou de Lyon à Nice, il faut décrire une courbe immense et par conséquent supporter un très long voyage. La perte de temps et le surcroît de dépenses n'étaient rien, mais la fatigue effrayait Mélanie, qui voyait son ami dans un état de fièvre et de faiblesse très alarmant. Les battements de cœur, les crachements de sang s'aggravaient de jour en jour. Les médecins de Genève affirmaient qu'il n'y avait pas de lésion constitutionnelle et que ces accidents disparaîtraient sous l'influence d'une température favorable et surtout d'une absolue tranquillité d'esprit et de corps. Malheureusement, à toutes les causes de troubles était venue s'ajouter une cruelle préoccupation. Le malade était poursuivi par des pressentiments sinistres. Il avait peur de mourir avant d'avoir pu accomplir son œuvre de conciliation. Par une réaction toute naturelle, il cherchait dans l'amour de Mélanie un point d'appui et un soutien. C'est l'éternelle loi des compensations et de l'équilibre. Mélanie était trop intelligente pour ne pas profiter de la suprématie que Julien lui abandonnait. Elle fixa le jour du départ et régla l'itinéraire. Le voyage se ferait par petites journées avec deux haltes à Lyon et à Marseille. Joseph prit les devants afin que le malade trouvât à son arrivée un logement prêt, une chambre bien chauffée, un repas ou des réconfortants à sa disposition. La reconnaissance de Julien était pour la jeune fille une précieuse récompense. À Nice, Mélanie chercha la retraite isolée et tranquille qui convenait à son malade. De toutes les stations d'hiver, Nice et Monaco seuls étaient bruyants. Partout ailleurs, on n'avait que l'embarras du choix entre les maisons et les villas, vides pour la plupart. Mélanie choisit le Canet à cause du site grandiose et de la profonde vallée qui forme un abri sûr contre les vents. La villa Sardou, dans laquelle mourut Rachel, était libre. Mélanie n'osa pas la louer, craignant que Julien ne se frappât davantage et ne se confirmât dans ses pressentiments. Elle fixa son choix sur une autre villa, non moins spacieuse, non moins bien située. Lorsque l'installation fut terminée, Julien ne tarda pas à ressentir le bien-être d'une vie calme et assurée, dans une atmosphère merveilleusement pure, réchauffée par un beau soleil. Il se reprit à vivre. Les effluves d'un printemps éternel rendaient à son corps l'élasticité perdue, à son esprit la vivacité, à son cœur l'espérance. Il souriait à la vie renaissante. Il appelait Mélanie mon docteur. Il s'appuyait avec abandon sur le bras de la jeune fille quand il faisait de courtes promenades. La mort l'effrayait moins. Il y croyait toujours, mais il se familiarisait avec elle. Mélanie ne le contrariait pas sur ce point. Le médecin lui avait dit « Laissez-le divaguer tout à son aise. Les malades de cette catégorie présentent les phénomènes contraires des phtisiques. Ceux-ci s'ingénient à se persuader qu'ils sont guéris. Ceux-là ne croient à la santé que lorsque la vie déborde. » Le cœur sera fermé, la circulation du sang se régularise. Que le malade dise ce qu'il voudra, peu importe. Mélanie avait un autre motif de ne pas changer le cours des idées de Julien. Toutes les facultés de son esprit étaient dirigées vers un but unique, le retour à la maison maternelle. Se croyant condamné, le malade se désintéressait de la guerre. Il n'aspirait qu'à reprendre assez de force pour faire son expédition. Aussi, dès qu'il se sentit maître de ses pensées, écrivit-il à un de ses amis d'Aix pour avoir des renseignements. C'était un ami sûr auquel il ne craignait pas de se confier. Il en reçut la lettre suivante. Aix-en-Provence, 12 décembre 1870. Mon cher Julien, Madame Ripert a conquis à Aix une situation exceptionnelle. Il y a en elle deux personnes complètement distinctes, le négociant et la femme. Négociant, elle déploie une activité qui touche à l'accaparement. Elle fait preuve d'une grande intelligence. Tandis que les autres maisons de commerce ont à peu près cessé leurs opérations, elle multiplie les siennes, achetant toutes les parties d'huile et d'amandes qui se présentent. Ses magasins regorgent de marchandises, ses ateliers sont au grand complet. Elle est la providence de la ville et de la contrée. Si elle achète à bas prix les huiles et les amandes que les propriétaires sont très heureux de pouvoir vendre, elle a maintenu au taux ordinaire le salaire des ouvriers, hommes et femmes. Le peuple l'adore. Le commerce est jaloux et l'accuse de folle témérité. Quant à moi, je crois qu'elle réalisera d'énormes bénéfices parce qu'elle a assez de capitaux pour atteindre la reprise des affaires. Femme, elle fait, comme on dit, la pluie et le beau temps. Son salon réunit tous les mondes de notre bonne ville d'Aix, où les démarcations sociales avaient été jusqu'à ce jour si profondes. Notre aristocratie elle-même, si fière, est sortie de son isolement en son honneur. Les hommes en sont presque tous amoureux. Les femmes la redoutent, mais elles préfèrent aller quelquefois chez elles, quand elles donnent de grandes fêtes, espérant atténuer par leur présence les effets de l'étonnante attraction qu'elle exerce. J'ai le regret de te dire que, en Madame Ripert, la mère est morte. Seuls ses hôtes d'autrefois à Saint-Cana savent qu'elle a une fille. Quant à son fils, depuis sa sortie du lycée, il voyage. Je crois qu'il est dangereux de lutter contre cette femme, surtout dans les conditions où tu te trouves. Je la crois inaccessible aux sentiments, je ne dis pas honnête, mais humain. Tout ce qui porte ombrage à sa vanité dominatrice est repoussé ou brisé sans pitié. J'hésitais à te répondre. Au moment où ta lettre m'est arrivée, j'étais irrité contre Madame Ripert. Je n'ai pas, comme la plupart de ces messieurs, la philosophie hypocrite qui leur permet d'attendre patiemment un regain de passion ou un retour de caprice. J'ai pour devise tout ou rien. C'est brutal peut-être, mais je suis ainsi. J'étais donc exposé à laisser parler ma colère. J'aurais probablement décliné le mandat de confiance que tu m'offrais si le hasard ne m'avait fait découvrir que Madame Ripert sait toute ton histoire par M. Guermandy. Dès lors, je devais imposer silence à mon ressentiment et te parler en toute sincérité. Réfléchis bien avant d'agir. Ta position est fausse, et en tout état de cause, Madame Ripert est assez habile et assez forte pour qu'aux yeux du monde, tu n'aies pas le beau rôle. Dans tous les cas, tu peux compter sur moi absolument. Georges de Villeberg. Cette lettre, Julien l'avait attendue avec impatience. Elle était bien telle qu'il l'avait pressentie. Madame Ripert avait grandi en bien et en mal. Il se la représentait, triomphante, impérieuse, tenant entre ses mains la fortune, dispensatrice de ses faveurs, flattée, adulée, froidement cruelle ou audacieusement généreuse. La raison lui disait « L'expérience est suffisante, ne va pas plus loin, n'expose pas la jeune fille que tu aimes au désillusionnement possible, amené par un échec à peu près certain. » La vanité, un sentiment mystérieux de bravade, le poussait vers cette femme qu'il avait éperdument aimée autrefois. Il voulait... Que voulait-il? Il voulait s'assurer qu'il était bien guéri de son amour. Il voulait rester maître du champ de bataille. C'était folie. Chaque nouvelle lettre de son ami le lui disait plus clairement. Mais il est rare qu'un Provençal n'aille pas jusqu'au bout d'une expédition hasardeuse, dût-il s'y perdre. Georges de Villeberg avait été le camarade intime de Julien à l'école de droit. C'était maintenant un avocat distingué du barreau d'Aix, qui a toujours eu de beaux et sérieux talents. Comme tout le monde, il avait subi l'influence de Madame Ripert. Comme beaucoup d'autres, il avait été son amant. Il était d'autant plus excusable dans son irritation qu'il n'avait perdu sa maîtresse que pour avoir eu le courage de s'arracher de ses bras pour aller au palais remplir ses devoirs professionnels. Madame Ripert est une de ces femmes qui n'ont aucune considération et qui ne pardonnent jamais. Plus il lui était démontré que son expédition projetée était dangereuse ou tout au moins inutile, plus Julien s'obstinait dans sa résolution. Il en était arrivé à se cacher de Mélanie. La jeune fille, le voyant plein de santé, de gaieté, d'entrain, ne se doutait pas du drame moral dont elle était le pivot. Elle s'abandonnait en toute confiance à son amour et au bonheur que rien, croyait-elle, ne pouvait désormais troubler. Il n'y a pas d'hiver dans cette région fortunée des Alpes-Maritimes. Les jeunes gens passaient leur journée au grand air, en plein soleil. Ils faisaient de longues promenades à travers les bois d'oliviers et d'orangers, ou bien s'en allaient en mer, dirigeant alternativement un petit bateau. Julien ne voulait décidément plus mourir. Mélanie ne demandait qu'à vivre. Lorsque la nouvelle de la paix leur parvint, elle leur parut le dénouement fatal et prévu de la guerre. Julien avait tant souffert des malheurs de la patrie, il avait tant pleuré, qu'il n'avait plus de larmes à donner pour la perte de l'Alsace-Lorraine. Les événements se précipitaient d'ailleurs avec une telle rapidité qu'à peine Julien et Mélanie furent-ils prêts à partir au moment où se réunit à Bordeaux l'Assemblée nationale, élue à la hâte, dans une sorte d'affolement du pays qui voulait la paix, si dures que fussent les conditions du vainqueur. À mesure qu'approchait le moment décisif, Julien se prémunissait contre une nouvelle défaillance physique. Il fit, avant de partir, plusieurs expériences et s'aguerrit à la fois contre les fatigues corporelles et contre les émotions. Il fit à Nice et à Monaco deux voyages d'expérience, subit sans faiblir les épreuves des discussions politiques et du jeu. Décidément, le cœur n'avait pas eu de lésion organique et la poitrine était solide. À la garde de Dieu. Julien et Mélanie arrivèrent à Aix au commencement du mois de mars.